que l'on m'a décidé. Tu de tes seins chauds, puis doubler silhouette d'Afrique et là j'attends pour la crever, de les éplucher comme eux.